Sainte Bible selon saint Jérôme, second livre des Rois, chapitre 9. Or le prophète Élisée appela un des enfants des prophètes et lui dit: Saint Airain, prends ce petit vase d'huile en ta main et va à Ramoth-Galaad. Et lorsque tu seras arrivé là, tu verras Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Et étant entré, tu le feras sortir du milieu de ses frères et tu l'introduiras dans une chambre secrète. Et tenant le petit vase d'huile, tu le répandras sur sa tête et tu diras: Voici ce que dit le Seigneur, je t'ai oint un roi sur Israël. Et tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras, et tu ne resteras pas là. Le jeune homme, serviteur du prophète, s'en alla donc à Ramoth-Galaad. Et il y entra. Or voilà que les princes de l'armée étaient assis. Et il dit à Jéhu: J'ai un mot pour vous, ô prince. Et Jéhu demanda: Pour qui d'entre nous tous? Et celui-ci répondit: Pour vous, ô prince. Alors il se leva et il entra dans sa chambre. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête et dit: Voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Je t'ai oint roi sur le peuple du Seigneur Israël. Et tu frapperas la maison d'Akab, ton seigneur. Et je vengerai le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs du Seigneur de la main de Jézabel. Et je perdrai toute la maison d'Akab, et je tuerai Akab, celui qui urine contre une muraille, celui qui est renfermé, et celui qui est le dernier dans Israël. Et je rendrai la maison d'Akab comme la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et comme la maison de Baasa, fils d'Aïa. Et Jézabel elle-même, les chiens la mangeront, dans la campagne de Jézraël, et il n'y aura personne qui l'ensevelisse. Et il ouvrit la porte et s'enfuit. Mais Jéhu sortit vers les serviteurs de son maître qui lui demandèrent: Tout va-t-il bien? Pourquoi cet insensé est-il venu vers vous? Jéhu leur dit: Vous connaissez cet homme et ce qu'il a pu dire. Mais ceux-ci répondirent: C'est quelque chose de faux, mais au moins racontez-le-nous. Jéhu leur dit: Il m'a dit ceci et cela, et il a ajouté: Voici ce que dit le Seigneur, je t'ai oint un roi sur Israël. C'est pourquoi ils se hâtèrent, et chacun prenant son manteau, ils le mirent sous les pieds de Jéhu pour représenter un tribunal. Puis ils sonnèrent de la trompette et dirent: Jéhu est roi. Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, conspira donc contre Joram. Or Joram avait assiégé Ramoth-Galaad, lui et tout Israël, contre Hazaël, roi de Syrie. Et il était revenu pour se guérir à Jézraël d'une blessure, parce que les Syriens l'avaient blessé lorsqu'il combattait contre Hazaël, roi de Syrie. Et Jéhu dit: S'il vous plaît, que personne ne sorte fuyant de la ville, afin qu'il n'aille et ne l'annonce à Jézraël. Et il monta et partit pour Jézraël, car Joram était là malade. Et Ochozias, roi de Juda, était descendu pour visiter Joram. La sentinelle donc, qui était sur le tour de Jézraël, vit la troupe de Jéhu qui venait, et dit: J'aperçois une troupe. Et Joram dit: Prends un chariot et envoie leur rencontre, et que celui qui ira dise: Tout va-t-il bien? Celui donc qui était monté sur le char alla à la rencontre de Jéhu et dit: Voici ce que dit le roi, tout est-il en paix? Et Jéhu répondit: Qu'importe à toi et à la paix, passe et suis-moi. La sentinelle l'annonça ainsi, disant: Le messager est allé vers eux, et il ne revient point. Joram envoya encore un second chariot avec des chevaux. Et le messager alla vers eux et dit: Voici ce que dit le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit: Qu'importe à toi et à la paix, passe et suis-moi. Or la sentinelle l'annonça, disant: Il est allé jusqu'à eux et il ne revient point. Mais la démarche de quelqu'un qui vient est comme la démarche de Jéhu, fils de Nimshi, car il marche avec précipitation. Et Joram dit: Attelle mon char. Et l'on attela son char, et Joram, roi d'Israël, sortit, et Ochozias, roi de Juda, chacun dans son char. Et ils sortirent à la rencontre de Jéhu, et le trouvèrent dans le champ de Naboth, le Jézraélite. Et lorsque Joram eut vu Jéhu, il dit: Est-ce la paix, Jéhu? Mais celui-ci répondit: Quelle est cette paix? Les fornications de Jézabel, votre mère, et ses enchantements nombreux subsistent encore. Or Joram tourna la main, et fuyant, il dit à Ochozias: C'est un piège, Ochozias. Mais Jéhu tendit son arc de sa main, et frappa Joram entre les épaules. Et la flèche sortit par son cœur. et aussitôt il tomba de son char. Alors Jéhu dit à Badasser, chef de l'armée, prends-le et jette-le dans le champ de Naboth, le Jézraélite. Car je me souviens quand moi et toi, assis sur un char, nous suivions Achab, son père, que le Seigneur leva sur lui ce fardeau, disant, je jure. Si pour le sang de Naboth et pour le sang de ses fils que j'ai vu hier versé, dit le Seigneur, je ne te rends point l'appareil dans ce champ, dit le Seigneur. Maintenant donc, prends-le et jette-le dans le champ, selon la parole du Seigneur. Or Ochozias, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Et Jéhu le poursuivit, et dit, même celui-là, frappez-le sur son char. Et ils le frappèrent à la montée de Gavère, qui est près de Jéblaam. Et Ochozias s'enfuit à Magédo et mourut là. Et ses serviteurs le placèrent sur son char et le portèrent à Jérusalem, et l'ensevelirent dans le sépulcre avec ses pères dans la cité de David. La 11e année de Joram, fils d'Achab, Ochozias régna sur Juda, et Jéhu vint à Jézraël. Or Jézabel, ayant appris son arrivée, peignit ses yeux avec du noir et orna sa tête. Puis elle regarda par la fenêtre Jéhu qui entrait à la porte, et dit, est-ce que la paix peut être avec Zimri qui a tué son maître? Et Jéhu leva sa face vers la fenêtre et demanda, qui est celle-là? Et deux ou trois eunuques se penchèrent vers lui. Et Jéhu leur dit, précipitez-la en bas. Et ils la précipitèrent, et la muraille fut arrosée de son sang, et la corne des chevaux la foula. Et lorsque Jéhu fut entré pour boire et pour manger, il dit, allez, et voyez cette maudite, et ensevelissez-la parce qu'elle est fille de roi. Et lorsqu'ils furent allés pour l'ensevelir, ils ne trouvèrent que le crâne, les pieds et l'extrémité des mains. Et étant revenus, ils l'annoncèrent à Jéhu. Or Jéhu dit, c'est la parole du Seigneur qu'il a prononcée par son serviteur Élie le Thesbite, disant, dans la campagne de Jézraël, les chiens mangeront la chair de Jézabel. Et la chair de Jézabel sera comme un fumier sur la face de la terre dans la campagne de Jézraël. Et tous ceux qui passeront diront, est-ce là cette Jézabel? Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire. Pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.